Patrimoine en lumière, chronique sur l'art et l'histoire d'Amboise avec Guillaume Métayer, responsable du patrimoine de la ville. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Patrimoine en lumière, la chronique sur l'art et l'histoire d'Amboise, une chronique animée comme chaque mois par Guillaume Métayer, responsable patrimoine à la ville d'Amboise. Et si vous étiez à l'écoute lors de la dernière émission, eh bien vous vous souvenez peut-être que Guillaume nous avait parlé d'une éventuelle surprise. Une surprise dont on peut parler aujourd'hui. Bonjour Guillaume. Bonjour Marlène. Alors c'est quoi cette fameuse surprise ? Alors cette surprise, c'est une acquisition exceptionnelle que la ville a pu réaliser d'une petite tortue qui a été créée par Max Ernst dans le cadre de son processus de création de la célèbre fontaine Max Ernst. Mm-hmm. Et alors elle est très célèbre à Amboise, elle est célèbre en dehors d'Amboise. Donc cette acquisition, elle a vraiment du sens par rapport à l'histoire d'Amboise. Donc la petite tortue, elle va pouvoir rejoindre le musée d'art et d'histoire d'Amboise. Comment vous avez eu connaissance de l'existence de cette petite tortue ? Alors en fait, la petite tortue, elle faisait partie d'un lot de plusieurs œuvres de Max Ernst qui passaient en vente aux enchères à l'hôtel des ventes Giraudeau de Jouy-les-Tours. Et il y a eu beaucoup de communication autour de cette vente, à peu près un mois avant la vente. Et donc on a pu en avoir connaissance ainsi et préparer tous les dossiers pour préparer cette acquisition. Mais du coup, c'est toi qui as découvert que cette tortue, elle allait être en vente et qu'il fallait sauter sur l'occasion. Et comment ça se passe dans la hiérarchie des choses ? Est-ce que tu en as parlé à ton adjoint, qu'on a parlé à monsieur le maire ? Comment ça marche ? Oui, voilà, c'est ça. Alors, du coup, dans mon travail, il y a une veille sur tout ce qui peut avoir un rapport avec l'histoire d'Amboise. Et donc, évidemment, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Et effectivement, monsieur Chisson a tout de suite aussi sauté sur cette opportunité. On a été conseillé par des collègues d'autres musées de la région, donc on a su comment monter le dossier, tout ce qu'il fallait préparer pour cette acquisition. Très bien. Elle se trouve où, là, actuellement, la tortue ? Ça y est, elle est arrivée à Amboise ou comment ça va se passer ? Alors, en fait, la petite tortue, elle était conservée par les héritiers de Gilles Chauvelin. Donc, Gilles Chauvelin, c'était le maire de Huîmes, à côté de Chinon, où habitait Max Ernst. Et c'était aussi son tailleur de pierre. Donc c'est Gilles Chauvelin qui sculpte, enfin c'est l'atelier de Gilles Chauvelin qui sculpte les parties en pierre de la fontaine. Donc Max Ernst lui a fait plusieurs cadeaux, donc notamment la petite tortue et également le plâtre des deux assistants, qui est une autre sculpture que vous pouvez voir sur la fontaine. Et donc voilà, donc elle est restée dans la famille de Gilles Chauvelin jusqu'à cette vente. Et le coût de la vie augmentant, ils se sont dit on va s'en séparer et puis essayer de récupérer un petit peu de sous sur cette œuvre d'art. Peut-être plusieurs héritiers, donc voilà, ils ont décidé de les mettre en vente. Alors est-ce que ça coûte cher, Guillaume ? Tu peux nous en parler de l'aspect financier de cette petite tortue ? Alors évidemment, Max Ernst, c'est on en pourra reparler, mais c'est un des artistes les plus réputés du XXe siècle. Il est connu dans le monde entier, il est né en Allemagne, il a travaillé aux États-Unis et en France. Il y a des œuvres dans les plus grands musées du monde. Et donc évidemment, une œuvre de Max Ernst, ça coûte cher. Mmh. L'estimation annoncée par la maison de vente, c'était 60-80 000 euros. Mais on se doutait que ça allait partir pour probablement beaucoup plus cher, mais évidemment, on n'avait aucune idée. Mmh. Et c'est ce qui est assez étonnant avec les œuvres de Max Ernst, c'est qui tout double. Enfin, il y a des œuvres qui peuvent partir pour pas forcément très cher, on ne sait pas pourquoi, et d'autres qui font des records et qui partent à plusieurs millions d'euros ou de dollars. Donc quand c'est comme ça, il y a un chiffre butoir à pas dépasser, j'imagine. C'est ça, toi qui es allé à la vente aux enchères ? Oui. Ah, c'est toi qui as levé la main en disant « Hop !» Alors du coup, il y avait deux choses à préparer. Il fallait donc réunir des partenaires et donc savoir jusqu'à quelle somme on pouvait aller, sachant qu'évidemment le budget de la ville était limité et il n'était pas question de dépenser tout le budget annuel pour cette acquisition. Mmh. Et donc évidemment la plus grosse part c'est celle de l'État. En fait il y a un fonds particulier qui est géré directement par le ministère de la Culture qui s'appelle le Fonds du Patrimoine et qui peut être débloqué pour les acquisitions patrimoniales majeures pour les musées de France. Donc en fait, on zappe la DRAC, on passe directement à l'échelon supérieur au ministère de la Culture. Donc ça, c'est parce que l'acquisition, elle était jugée vraiment, vraiment importante pour Amboise, puisque bah voilà, c'est une œuvre qui avait un lien assez clair avec l'histoire d'Amboise. Donc c'était tout à fait cohérent de vouloir l'acheter pour le musée d'art et d'histoire d'Amboise. Voilà, avant cela, bien sûr, il fallait s'assurer qu'aucun autre musée en France n'allait enchérir. donc notamment le centre Pompidou qui aurait pu être intéressé. Mais ça, comment tu peux le savoir? Tu les appelles? Et ben en fait, c'est parce que c'est centralisé par le service des musées de France au ministère de la Culture. Un musée ne peut pas acheter une œuvre comme ça sur un coup de tête, il faut passer par une commission d'acquisition. Où tu justifies que par rapport à ta ville, il y a un vrai lien... C'est ça, il faut justifier l'intérêt par rapport au projet scientifique et culturel du musée. D'accord. Parce que peut y avoir une ville qui possède déjà des œuvres de Max Ernst, mais sans avoir de lien avec la vie de Max Ernst, et donc dans son projet scientifique et culturel, c'est cohérent d'acheter d'autres œuvres de Max Ernst. Nous, c'est parce que le projet scientifique et culturel du musée, c'est d'accentuer tout ce qui peut avoir des liens avec l'histoire... d'Amboise. D'accord. Donc voilà, Maxence, c'était cohérent. Il faut aussi recueillir des avis de différents spécialistes, de différents départements. Donc on a eu tous les avis favorables, voire très favorables pour cette acquisition. Chouette. Et donc ensuite, l'État devait définir sa participation, donc jusqu'à quelle somme on pouvait aller. Et à côté de ça, on a eu une autre autorisation qui ne peut être donnée que par l'État, c'est l'autorisation de préempter. Donc la préemption, c'est quand en fait on participe pas aux enchères, mais on se substitue au dernier enchérisseur, donc à celui qui pense avoir remporté l'enchère. Donc c'est une manière de rester discret, en fait. L'intérêt, c'est qu'il n'y ait pas, par exemple, un faux enchérisseur en face qui sait qu'il y a un musée qui est intéressé et donc qui fait monter artificiellement les enchères. D'accord. Donc là, ça s'est passé entre deux enchérisseurs. À la base, on s'intéressait à un deuxième lot également, donc qui est les deux assistants, donc les deux espèces de grenouilles qui sont aussi sur un pilier sur la fontaine. Mm-hmm. Qui sont partis à 306 000 euros, donc c'était bien au-dessus de ce qu'on pouvait faire. Donc le lot suivant, c'était la petite tortue, donc c'était ce qui était prévu. Soit on pouvait acheter le premier lot, soit on se reportait sur la petite tortue, qui était le lot qui passait juste après. Alors évidemment, dans l'idéal, on aurait pu acheter les deux si les deux étaient partis pour moins cher. Oui, bah oui. Mais on aurait pu aussi n'en avoir aucune des deux si les deux partaient pour un prix beaucoup trop important. Bah donc oui. la petite tortue, les enchères se sont arrêtées à 95 000 euros, donc c'était dans l'enveloppe qui avait été définie avec les partenaires et avec le ministère de la Culture, donc on a pu préempter la petite tortue à 95 000 euros. Et donc en plus de l'État, on a aussi bénéficié d'un soutien de la région Centre pour 10 000 euros et de deux associations, donc Mécénat Touraine Entreprises qui nous a proposé 2 000 euros et le Cercle Ambatia, donc l'association d'histoire locale, 1 000 euros. Donc au final, pour la ville d'Amboise, l'acquisition de la tortue n'a coûté que, entre guillemets, 10 000 euros. Donc pour l'acquisition d'une œuvre de Max Ernst, c'est une très très belle affaire. En effet. Tu peux nous la décrire, cette petite tortue? Alors, tu me disais tout à l'heure que, contrairement à celles qu'on retrouve autour de la fontaine Max Ernst, qui sont en bronze, celle-ci est en plâtre. Est-ce qu'elle est grande? Alors non, elle est pas très grande, elle fait une vingtaine de centimètres. C'est vraiment le même modèle que vous retrouvez sur les rebords de la fontaine. Donc, il y en a 6 sur les rebords de la fontaine. Mmh. Donc, en fait, elles sont sur un socle un petit peu ovoïde. Donc là, le plâtre, en fait, c'est la moitié du socle. Donc on voit que la première idée de l'artiste, c'était pas... La tortue est identique, mais par contre, le socle est un petit peu différent. Sur le socle définitif, il y a vraiment un plus gros socle, en fait. Et donc cette tortue, elle est assez particulière, parce que on arrive à reconnaître que c'est une tortue, mais évidemment, les formes sont très simplifiées. Il n'y a que 3 pattes, déjà. Il y en a 2 à l'avant et 1 à l'arrière. Son corps, c'est un disque. Et puis la tête de la tortue, c'est pareil, une petite forme un petit peu ovale avec une fente. Donc ça, c'est le talent de Max Ernst, d'arriver à évoquer une tortue avec quelques éléments géométriques. La petite tortue et les deux assistants, c'est des sculptures, les créatures qu'il crée spécifiquement pour la fontaine. Parce qu'en fait, il y a je pense qu'en Boise, tout le monde visualise bien la forme de la fontaine de Max Ernst. Il y a différentes sculptures, différentes créatures. Et en fait, pour la plupart, elles existaient déjà. Par exemple, la grande tortue qui est au centre de la fontaine, elle est créée en 1944 lorsqu'il est aux États-Unis. Et les autres sculptures, le grand génie par exemple, sont créées dans les années 1960. Indépendante en fait, c'était des sculptures qu'il a créées notamment lorsqu'il était à Huim, dans sa maison à côté de Chinon. D'accord. Et il pouvait les mettre par exemple sur un pilier ou il les déplaçait dans son jardin, un petit peu comme un jeu d'échecs en fait. D'ailleurs, il a fait un jeu d'échecs en 1944 également avec des formes géométriques, un petit peu asymétriques. Et donc là, c'est un petit peu la même idée de jouer avec les formes, de jouer avec les sculptures. Et donc il crée cette composition, il réutilise des sculptures et il va en créer donc deux autres spécifiquement pour la fontaine. Donc la petite tortue qui est une version réduite et un petit peu différente de la grande tortue. Donc là on est après 44. Voilà, on est vraiment en 1967, lorsque il a proposé à Michel Debré en fait, de réaliser cette fontaine. Mm-hmm. Très bien. Et où est-ce qu'on pourra la voir, alors, cette tortue, parce que maintenant qu'elle est arrivée en Boise? Alors, dans le courant de l'année, elle va être installée dans une vitrine sécurisée au musée d'art et d'histoire d'Amboise. Voilà, peut-être accompagnée d'autres œuvres de Max Ernst. On est en train de définir tout ça, en tout cas avec des explications, ce qui permettra de faire le lien entre le musée et l'espace public, d'apporter un nouvel éclairage sur cette fontaine. Et puis, cet automne, il va y avoir une double exposition au garage, au centre d'art, okay, et au musée d'art et d'histoire d'Amboise, autour justement de Calder et de Max Ernst. Puisqu'en fait, en 2026, on commémore les 50 ans de leur décès. Ils sont morts tous les deux en 1976. Ah, tiens. Et donc, dans la région, il va y avoir de nombreux événements autour de Calder et Max Ernst. Et Amboise, on est la seule ville à posséder des œuvres de la région, de France, mais également du monde, à avoir dans son espace public une œuvre de Max Ernst et une œuvre de Calder. Des Calder, on peut en retrouver un petit peu partout, surtout dans les grandes villes. Bon, en Indre-et-Loire, c'est particulier, on en a deux, puisqu'on a un deuxième mobile de Calder à Saché, donc là aussi toujours près de Chinon, dans le village où Calder s'est installé. Mais en revanche, des œuvres de Max Ernst, il y en a très très peu dans l'espace public. Max Ernst, connaissait ces deux-là? Comment? Est-ce qu'ils se connaissaient, se côtoyaient? Parce qu'entre Saché et Huim, il n'y a que quelques kilomètres. Et oui, mais en fait, Calder était déjà installé à Saché et il connaissait Max Ernst et il l'a invité à venir s'installer dans la région. Ah. C'était très sympathique comme région. On ne peut pas leur donner tort. Hein. Absolument. Et alors c'est un moment particulier dans la vie de Max Ernst parce que il avait déjà une grande carrière derrière lui. Et en 1954, il reçoit le Grand Prix de la Biennale de Venise, donc qui vraiment consacre sa carrière. Et quand il reçoit ce prix, il est exclu du groupe des surréalistes par André Breton. Alors donc Max Ernst, il fait vraiment partie des principales figures de ce mouvement. Il fait partie des créateurs. C'est vraiment la personnalité principale. Sauf que les surréalistes, un petit peu dans la suite de Dada, ils s'opposent aux institutions. Et donc, c'est mal perçu que Max Ernst puisse recevoir une reconnaissance institutionnelle. Voilà, pour Breton, c'est vraiment... Max Ernst devient un artiste académique, en quelque sorte, et il n'a plus à faire partie du mouvement des surréalistes. Donc ça va être vraiment la fin de ce mouvement aussi, parce que Max Ernst était la figure principale. Et donc, il quitte Paris, et donc c'est à ce moment-là qu'il achète la ferme du pain à Huim, le pain PIN, sauf qu'il n'y a pas de pain dans cette ferme, et donc il va la surnommer le pain perdu. Donc c'est toujours comme ça qu'elle est connue, cette ferme, c'est le pain perdu. Donc c'est là où Max Ernst et son épouse Dorothea Tanning, qui est aussi une très grande artiste surréaliste, vont vivre pendant 10 ans, puis en 1964, ils vont s'installer dans le sud de la France. Okay. Et donc les œuvres de Max Ernst, ça sont plutôt dans les musées, parce qu'il a fait énormément de choses, des peintures, des sculptures, des frottages, il utilise des estampes aussi, il fait de tout, Max Ernst. Mais la sculpture, finalement, c'est assez minime par rapport au reste de ses créations, donc d'autant plus lorsqu'elles sont dans l'espace public. Donc la fontaine, c'est vraiment la plus impressionnante de ses œuvres sculptées, il n'y a aucun équivalent ailleurs dans le monde. Voilà, en Boise, on est vraiment privilégié de ce point de vue-là. Donc, à l'automne, on imagine une inauguration officielle pour pouvoir découvrir la tortue. Est-ce que ça tombera pas un petit peu en même temps avec la restauration de notre drapeau révolutionnaire? Alors oui, il va peut-être y avoir plusieurs choses. Il se passe toujours beaucoup de choses en Boise. Alors, à savoir aussi que ça tombera probablement autour du week-end des Journées Nationales de l'Architecture en octobre. Et donc, le dimanche, avec le Pays Loire-Touraine, il y aura aussi un pôle assez important autour de l'architecture à Amboise. Ah, super! Il va se passer beaucoup de choses cet automne à Amboise. Ce sera l'année du patrimoine à Amboise. C'est tous les ans. C'est tous les ans, bien sûr. Ça restera gratuit pour la voir? Ah bah oui. Évidemment. Et d'ailleurs, à l'origine, la fontaine Max Ernst, pourquoi à Amboise? Très bonne question. Alors, en fait, c'est lié, comme la plupart des œuvres qui sont dans l'espace public à Amboise, c'est lié à Michel Debré. À partir de 1960, en fait, il fait une demande à l'État. Il cherche une fontaine ancienne qui pourrait être installée à Amboise, sauf qu'il n'y a pas ça dans le stock de l'État. Et en 1966, donc au moment où il est élu maire d'Amboise, alors, il y a deux versions. On ne sait pas trop si est-ce que c'est Michel Debré qui demande à Max Ernst de lui faire une fontaine, ou est-ce que c'est Max Ernst, en remerciement de Michel Debré, qui, en 1958, a signé son arrêté de naturalisation, parce qu'il était ministre de la Justice. Et donc, en remerciement, Max Ernst aurait demandé à Michel Debré « Qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier ?» Et Michel Debré aurait dit « J'aimerais bien avoir une fontaine. Mm-hmm. » Voilà, donc c'est peut-être un mélange des deux, en fait. Les deux se connaissaient, et Max Ernst était vraiment reconnaissant à la France de lui avoir accordé la nationalité française. Et d'ailleurs, c'est vraiment un cadeau de Max Ernst, puisqu'il offre le modèle, en fait, à l'État. Donc, Michel Debré étant ministre des Finances en 1966... C'est l'État qui paye, c'est pas la ville d'Amboise. D'ailleurs, c'est toujours un dépôt de l'État à la ville d'Amboise. Et donc l'État paye matériellement enfin, tout ce qui est nécessaire à la création de la fontaine, donc les pierres, la fonte des bronzes, etc. Mais Max Ernst ne reçoit rien pour cette fontaine. C'est vraiment un cadeau de Max Ernst à la France et à la ville d'Amboise. Et donc la fontaine, elle est inaugurée en 1968. Évidemment, c'est un moment important pour Max Ernst. Alors à Amboise, c'est assez drôle, puisque évidemment, même encore aujourd'hui, on ne se rend pas compte de l'importance que cette fontaine a artistiquement. Mais c'est évidemment un des éléments majeurs du patrimoine d'Amboise. Alors, quelques années plus tard, il va faire une version miniature de cette fontaine pour sa ville natale de Brühl en Allemagne. Mais il a eu des relations assez compliquées avec sa ville natale, puisqu'il avait donné des œuvres qui avaient été revendues. Enfin bon, c'était... Ah oui. C'était compliqué. Et puis bon, en plus, Max Ernst avait fait partie des artistes jugés dégénérés par le régime nazi. Donc beaucoup de ses œuvres ont été brûlées ou détruites en Allemagne avant la Deuxième Guerre mondiale. Il était déjà en France depuis les années 1920, en fait. Il avait été attiré par les surréalistes, justement. Donc il fait vraiment partie de l'effervescence artistique parisienne des années 1920-1930. Puis au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il est obligé d'émigrer aux États-Unis puisque il est de nationalité allemande, donc il ne peut pas rester en France. Et donc il revient ensuite en France après la Deuxième Guerre mondiale, d'abord à Paris, puis à Huim, près de Chinon, et ensuite à Seyand, dans le sud de la France. C'est bien d'évoquer l'intelligence nazie au travers de cette émission. Merci Guillaume pour cette parenthèse. Dégénéré, mais au sens... Alors en fait, l'art dégénéré, c'était l'art abstrait, l'art qui ne correspondait pas aux normes académiques. C'est vraiment toutes les formes d'art modernes. Ils voyaient large dans tout ce qui ne correspondait pas à leurs normes artistiques. Donc il y avait des artistes très... Hitler, il peignait quoi, lui? C'était pas de l'abstrait? Ah non. Non, je sais pas, j'ai jamais vu. Des petits paysages. Des petits paysages, ouais. Tout mignon. Voilà. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que ne pas aimer l'art de Max Ernst, c'est être un nazi. Ah bah, heureusement que non. Et tu peux nous en dire un petit peu plus encore sur cette fontaine, Guillaume, parce que, soyons clairs, on passe tous les jours devant pour la plupart des Amboisiens. Et je sais que c'est aussi un gros coup de cœur de Lauriane Kell, chef de projet du Pays d'Art et d'Histoire au Pays Loire-Touraine. Ça fait vraiment partie de ces monuments favoris pour bon nombre de gens qui s'intéressent comme toi, comme Lauriane, comme Anna et toute l'équipe du pays à l'art et à l'histoire, évidemment, au patrimoine. Oui, ça peut se comprendre. On peut dire vraiment beaucoup de choses sur cette fontaine, comme sur l'art de Max Ernst. Il y a de multiples références qu'on peut chercher, qu'on peut essayer de deviner, parce qu'évidemment, on n'a pas toutes les clés. Il n'y a pas un guide écrit par Max Ernst pour comprendre cette fontaine. Mais on peut voir vraiment de très nombreuses références à plein de choses. Alors déjà, l'emplacement de la fontaine, il a été choisi par Max Ernst très précisément. Ça a été vu aussi avec Michel Debré, parce que l'objectif, c'était qu'elle ne soit pas en plein centre-ville. Donc c'était une idée aussi toujours de mettre de l'art dans tous les quartiers de la ville. Alors, évidemment, on est proche du centre-ville, mais on était vraiment dans un quartier qui était en train d'être aménagé avec le parking du Mail, le marché, etc. Et donc cette fontaine, elle est tournée dans un sens particulier. Elle donne en fait vers un point qui est à la fois entre le château d'Amboise et le Clos Lucé. Donc il n'est pas tourné vers le Clos Lucé, la dernière demeure de Léonard de Vinci. Il n'est pas tourné vers le château d'Amboise, notamment la chapelle où Léonard de Vinci est censé être enterré. C'est entre les deux. Donc on a les deux bras du grand génie qui embrassent ces deux monuments. Parce qu'en fait, cette fontaine, elle est notamment un hommage à Léonard de Vinci. Donc, il y a plusieurs liens entre Max Ernst et Léonard de Vinci. Max Ernst était surnommé le Léonard du surréalisme. Ah oui. Oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs liens déjà dans leur création, le fait qu'ils s'intéressaient à tout. Max Ernst et Léonard de Vinci, ils ont essayé tous les arts, ils étaient curieux de plein de choses. Et le deuxième lien, c'est qu'ils ont tous les deux été accueillis par la France. Donc la France leur a offert l'asile et tous les moyens pour pouvoir continuer à créer. Donc voilà, Max Ernst ne s'est pas installé à Amboise, mais c'était pas très loin d'Amboise, donc il y a beaucoup de liens entre les deux personnages. Alors le grand génie, le grand personnage qui est tout en haut de la colonne centrale, il peut évoquer notamment l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Donc l'homme de Vitruve, c'est ce célèbre dessin avec cet homme nu dans un cercle et dans un carré, donc pour insister sur les divines proportions du corps humain. Donc c'est un petit clin d'œil. Et en fait, la fontaine de Max Ernst, c'est plein de clins d'œil à plein de choses, pas forcément uniquement à Léonard de Vinci. La forme de la fontaine, elle est assez classique. On a plein de fontaines du XVIIe ou du XVIIIe siècle avec une figure centrale et des petits personnages autour. Mais on peut penser notamment à la fontaine de Latone qui est au château de Versailles. Donc c'est une très grosse fontaine qui est au début des jardins de Versailles. Avec Latone, donc c'est une femme qui est en haut de la fontaine, et en contrebas, ses enfants qui sont transformés en grenouilles par Athéna, parce que en fait, bon, une histoire de dieu dans la mythologie. Donc là, en fait, à la place des grenouilles, nous, en Amboise, on a des tortues. Donc voilà, c'est des petites références comme ça, des petits clins d'œil à d'autres œuvres d'art, mais à plein de choses différentes. On pourrait vraiment parler pendant des heures de toutes les références de La Fontaine de Max Ernst. Voilà, donc on a la grande grenouille, les deux assistants. L'idée aussi, c'est que La Fontaine, elle soit ludique. Donc, et c'est vraiment ce que voulait Max Ernst, que ce soit une fontaine qui puisse amuser les enfants, mais aussi les adultes, en fait. Il y a vraiment cet aspect ludique. On peut reconnaître un petit peu ce qu'on veut dans les personnages. On peut s'inventer des histoires quand on regarde cette fontaine. C'est rare, ce genre de sculpture dans l'espace public pour lesquelles on peut vraiment dire beaucoup de choses. Elle est entretenue régulièrement, cette fontaine, et comment ça se passe ? Oui, alors il y a un entretien régulier qui est nécessaire. Bah, d'une part, les jets d'eau endommagent les bronzes et les sculptures. Ah oui. Et puis, il y a les arbres juste à côté. Donc, il y a le système de pompe qui est à entretenir. Et la partie sculptée, les bronzes sont entretenus tous les 2 ans. Par donc, l'équipe voilà, technique Non, c'est un restaurateur de bronze spécialisé, donc, qui était là déjà en 2014, lorsque la fontaine a connu sa grosse restauration. Et donc, tous les 2 ans, normalement, il vient refaire la patine et entretenir les bronzes de la fontaine. Alors, cette fontaine, elle a connu plusieurs dégradations. Les Amboisiens s'en souviennent. Donc, en 1984, il y a eu un vol de 3 des petites tortues et de la sculpture des deux assistants. Et donc, quelques années plus tard, les petites tortues ont été remplacées par des résines. Donc là, les petites tortues actuellement autour de la fontaine, ce sont des résines, ce ne sont plus les bronzes d'origine. Mais sinon, les autres bronzes, à l'exception des deux assistants donc, qui ont été refondus en bronze en 2013-2014, lorsque la fontaine a été restaurée, sinon les autres sculptures sont bien les originaux de 1967-1968. Et donc une autre date importante, c'est en 1987, lorsque la fontaine est protégée au titre des monuments historiques. Donc c'était très précoce en fait, de protéger une œuvre du XXe siècle, alors qu'on était déjà au XXe siècle, il y a très peu d'œuvres qui ont bénéficié de ce statut de protection. Donc c'est vraiment une reconnaissance supplémentaire de l'importance de cette fontaine. Et on a des traces photographiques, notamment de l'inauguration, par exemple, de cette fontaine chez Christelle, là-haut, au centre des archives Paul Pinasso. Oui, on a des photos, on a même des vidéos. Il y en a une qui est sur le site de l'INA, je crois. Donc vous voyez le discours de Michel Debré et de Max Ernst, la foule d'Amboisiens au pied de la fontaine. C'est assez rigolo à regarder, ouais. Parce qu'on voit le regard un petit peu interloqué des Amboisiens devant, devant cette œuvre évidemment très novatrice. On voit aussi Max Ernst qui a l'air très heureux d'être là, donc c'est drôle, il a vraiment un regard pétillant, malicieux, Max Ernst. On voit que c'était quelqu'un de très rigolo, donc à l'image de cette fontaine finalement. C'est toujours passionnant d'écouter Guillaume nous parler de notre patrimoine. Donc cette petite tortue en plâtre, blanche, magnifique, dont on mettra une photo avec le podcast de cette émission, eh ben vous pourrez la découvrir d'ici, encore un petit peu de patience, d'ici quelques mois, au musée d'art et d'histoire de la ville d'Amboise. Eh bien, merci beaucoup Guillaume Métayer. Je rappelle que tu es le responsable patrimoine à la ville d'Amboise, d'être venu aujourd'hui pour nous parler de cette œuvre d'art qui intègre le rang des autres œuvres déjà acquises par la ville d'Amboise. On a hâte de la découvrir en vrai, tout comme on avait hâte de découvrir le drapeau révolutionnaire dans les actus du moment à la ville d'Amboise. Merci beaucoup Guillaume. Avec plaisir, à bientôt. Et d'autres surprises à venir ? Certainement. C'est donc la fin de cette chronique Patrimoine en Lumière. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site www.radioactivefm.fr. À très bientôt. Patrimoine en Lumière, chronique sur l'art et l'histoire d'Amboise avec Guillaume Métayer, responsable du patrimoine de la ville.